Je marche sous la pluie, dans Paris minuit, le col relevé, j'ai les pieds gelés, je m'accroche à un comptoir, boire mes idées noires, elle sert les clients, cassés par le vent, je croise en toi. Je le devine, tu es divine, je crois en toi, je t'imagine, tu es divine. Je tremble de froid, je crois qu'elle le voit. M'offre un chocolat, du miel dans la voix, va calmer un type qui fait un bad trip. Elle revient vers moi, me demande si ça va. Je crois en toi, je le devine. Je t'imagine, tu es divine. Elle balaye la salle, je l'aide à porter les chaises sur les tables, car elle va fermer, blottie sous son aile. Comme sous une ombrelle, elle m'offre chez elle l'amour éternel. Je crois en toi, je le devine. Tu es divine. Je crois en toi, je t'imagine. Je crois en toi, je le devine. Tu es divine. Je crois en toi, je t'imagine.